pouvoir d'acharner les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est des philosophes partout. Ah, faut arrêter à rêver un moment, t'as vu. L'impression d'être maudit comme mes OG. Ici c'est galère et taudis, entouré de blocs. J'attends même plus ma condie, roule des ogives, à faire câble et même Gandhi. Je vois peu de choses positives, les petits sont devenus des bandits. Rien que ça charbonne sous ta fenêtre, hiver comme été. Ça veut le carbone sur le tableau de bord, elle m'en est là coachée. On peut paraître, c'est tout ce qui compte. Pourquoi tu fais la meuf bien si tous tes ex te demandent des comptes? On se cause comme des sources, c'est l'amertume qu'y a pour le dessert. Frère, t'as beau crier au secours, y'a personne à part ta mère. Ne me parlez plus d'amour depuis qu'on l'a mis si pèse sous terre. Un mois d'hiver, pourquoi tu cours? Y'a pas trop de retour en arrière. Le canon sur la tente depuis tout petit. On vit toujours dans l'attente, le bonheur rentre pour de bon dans nos petites vies. Ouais, je suis pas sûr qu'on m'entende. Ouais, je suis pas sûr qu'on me comprenne. Comme quand ça parle de mon temps et que tu vois que ça bégaye. 84, année de naissance. 2024, perdu un sens. Dans la salade, je trouve mon essence. À chaque coup de batte, je redescends. Je suis pas meilleur qu'un autre, non. J'ai ma dose de jugement et mes erreurs qui coulent dans le sang. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. J'travaille mes erreurs sous mes vêtements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. Dissimule mes peurs sous les pansements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. J'travaille mes erreurs sous mes vêtements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. Dissimule mes peurs sous les pansements. Pas le meilleur des pères, ni même le pire. Pas le meilleur des maris, je sais, je suis dur à vivre. Ma mère voulait que je bosse les maths, préférait mater les bosses. Vite compris l'échec et maths quand t'es ferré devant le proc. Fumée baisse dans l'encéphale depuis des années folles, au degré des jours fades, comme un dimanche en automne. Apparemment, faut de la thune pour être heureux. A contrario, inconsciemment, il vous endorme à petit feu. Le tour du globe en quelques mesures, par le monde sous sa robe, le temps d'une zig, ça vaut tout à Côte d'Azur. Le temps décide de tout comme Valkyrie. Vole au-dessus de nous et prêt à tout comme un harakiri. Y'a un kira, bercé au carry. On m'a dit que c'est le karma. Tu fais du mal, tu payes le prix, pas du karna. On a trop de cœur comme tantaine. C'est toujours la même rengaine. Toujours les bons qui le cœur saigne. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. J'travaille mes erreurs sous mes vêtements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. Dissimule mes peurs sous les pansements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. J'travaille mes erreurs sous mes vêtements. J'suis pas meilleur qu'un autre, non. Dissimule mes peurs sous les pansements.